9-4, compréhension auditive et production orale. Écoutez les dialogues suivants. Après chaque dialogue, vous allez entendre une question. Répondez à la question. 1. C'est bien notre chance. Ça fait 3 jours qu'il pleut. Ça fait longtemps qu'il pleut. 3 jours. Ça fait 3 jours qu'il pleut. 2. Oui, c'est mortel la mer quand il pleut. Il n'y a rien à faire. Pourquoi est-ce que c'est mortel la mer quand il pleut? 'Parce qu'il n'y a rien à faire. 3. Comment est-ce qu'on fait pour jouer au portrait? C'est très facile. Quelqu'un décrit une personne en 3 ou 4 phrases. Et puis les autres devinent qui c'est. Comment est-ce qu'on fait pour jouer au portrait? Quelqu'un décrit une personne et les autres devinent qui c'est. 4. Qu'est-ce qu'il a dans ton bio? Les enfants des cartes. Qu'est-ce qu'il aime, tonton Guillaume? Les enfants. 5. Apporte les galettes bretonnes aussi! Il ne m'en reste plus! Est-ce que Marie-Laure va apporter des galettes bretonnes? Pourquoi? Non, il n'en reste plus.